ça qu'il me fallait. Que tu fasses, tu me rends fou et puis jaloux malgré moi. Plus le temps passe, plus je t'aime et plus je tiens à toi. Toi si belle, toi si gaie, tu es bien celle qu'il me fallait. Toi si douce, tu me plais. Car tu es bien ce qu'il me fallait. Oh, quelle chance! Tu es vraiment celle dont longtemps j'ai rêvé. Je sais à l'avance qu'auprès de toi, toujours je resterai. Qu'il me fallait. Toi si belle, toi si gaie, tu es bien celle qu'il me fallait. C'est vrai que toi si douce, tu me plais, car tu es bien celle qu'il me fallait. Toi si belle, toi si gaie.